السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، avec l'aide et l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons commencer aujourd'hui une série de cours qui s'intitule « Les moments précieux ». Et nous allons commencer ce soir, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, avec ce premier sujet ayant la plus haute importance, à savoir « Arkanul iman, ahammiyatuha wa thamaratuha ». Les piliers de la foi, l'importance des piliers de la foi et leurs effets bénéfiques dans la vie du croyant, et ce dans ce bas monde et l'au-delà. فَإِنَّ الْإِيمَانَ أَهَمُّ مَا يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ الْعِنَايَةُ بِهِ فِي هَذِي الْحَيَاةِ فهو أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة. Sachez, ikhwani al-kiram, que la foi est la chose la plus importante à laquelle nous devons donner importance. Dans ce bas monde, il n'y a pas plus précieux, il n'y a pas plus cher que la foi. C'est la meilleure chose qu'on puisse attendre, la plus belle parure avec laquelle nous pouvons orner notre cœur, le remplir et l'embellir. Il n'y a pas meilleur pour s'élever en degré dans ce bas monde et dans l'au-delà. Bal inna kulla khayr fi dunya wal akhirah mutawaqqifun 'ala al iman al sahih. Plus encore, le bien dans son entièreté est rattaché à la foi authentique. Et dans le Coran, ce noble livre, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Man 'amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dans sourate An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sur la traduction des sens de ce verset: quiconque fait de bonnes actions, qu'il soit un homme ou une femme, tout en étant croyant, voici la condition: nous lui ferons vivre une bonne vie et nous le rétribuerons selon les meilleures des œuvres qu'il faisait. Fayajibu ala kulli man nasaha nafsa an yatafaqqaha في هذا المجال في الإيمان فهما صحيحا وأن يتفقد إيمانه هل هو في زيادة أو في نقصان وما أحوجنا إلى تجديد إيماننا. Ainsi, il incombe à toute personne qui recherche son salut, sa réussite dans les deux mondes, de s'instruire au sujet de la foi, d'étudier qu'est-ce que la foi authentique, quels sont les piliers sur lesquels repose l'Iman. La personne doit étudier la foi, elle doit rechercher sa foi et évaluer sa foi. Est-ce que son Iman augmente ou diminue? Quelles sont les causes de ceci et de cela? Ô combien nous sommes dans le besoin de restaurer, de revivifier notre foi, de nous éloigner et de nous repentir de tout ce qui entache notre foi. Considérez, mes chers frères, que la foi est un trésor inestimable, la chose la plus chère qui soit. Et nous sommes dans la course à sa recherche, puis à sa préservation. Et celui qui rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala avec la plus grande part, voici celui qui obtiendra l'énorme réussite et la meilleure élévation dans les jardins. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous unisse dans son paradis. Celui qui vit sans la foi vivra une vie animale et bestiale. Celui qui perd la foi, il aura perdu la vie et réelle. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Ya ayyuha alladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il vous appelle à la vraie vie, à ceux qui vous donnent la vie. La vraie vie est dans la foi. La vraie vie est dans la préservation et l'augmentation de la foi. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont parfaitement compris cela. L'imam Al-Lalaka'i, rahimahullah ta'ala, nous cite dans l'i'tiqad la parole de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, le calife bien guidé, Amirul Mu'minin. Il disait à ses compagnons: Halummu nazdad imanan, venez afin qu'on augmente notre foi. Et Abdullah ibn Mas'ud disait, comme le rapporte al-Bayhaqi fi Shu'ab, Ijlisu bina nazdad imanan, asseyons-nous afin d'augmenter notre foi. Et Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu disait: Ijlisu bina nu'minu sa'a, comme le rapporte Ibn Abi Shayba dans Al-Iman. Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala nous dit que ce texte est authentique. Tous ses compagnons nous disent quoi? Tous ses compagnons nous appellent à revivifier la foi, à nous rappeler Allah, à étudier notre religion, à faire de bonnes œuvres afin d'augmenter notre foi. Après cela, sachez, Ikhwan al-Kiram, que l'Iman, minnatullahi tabaraka wa ta'ala al-wahhab ala abdi. Sachez que la foi, c'est la grâce d'Allah sur son serviteur. La foi, c'est un don d'Allah tabaraka wa ta'ala à ce qu'il a aimé et préféré. La foi n'est pas une chose qu'on peut acheter, n'est pas une chose qu'on peut marchander, n'est pas une chose qu'on peut arracher. La foi, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde à qui il veut, et c'est lui le savant et le sage. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre: Yamunnuna alayka an aslamu, qul la tamunnu alayya islamakum, balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. ويقول عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. Dans sourate Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne cette réalité, nous enseigne ce grand don, ce grand bienfait, lorsqu'il nous dit, subhanahu wa ta'ala, mais c'est plutôt Allah qui vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversion et la désobéissance. Ceux-là sont les gens de la droiture. Une grâce, une faveur de la part d'Allah et un bienfait. Et Allah est le savant, et Allah est savant et sage, et Allah est savant et sage. Plus loin dans Sourate Al-Hujurat, il te mentionne leur conversion comme une faveur. Dis: ne me mentionnez pas cela telle une faveur, ne me mentionnez pas votre islam comme une faveur, mais c'est plutôt Allah qui vous a fait cette faveur en vous guidant à la foi, si seulement vous êtes véridique. Dans un autre verset dans sourate An-Nur, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. N'eût été la grâce d'Allah sur vous ainsi que sa miséricorde, personne parmi vous n'aurait pu se purifier. Personne parmi vous n'aurait pu se purifier. Mais c'est Allah qui purifie qui il veut. Et Allah est certes audient et omniscient. Il entend tout et il sait tout. Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, nous dit dans le tafsir du verset, « Alim, alimun bihim, alimun bihim, man yastahiqu minhum al-huda wal-dalal. » Allah subhanahu wa ta'ala est savant. Allah subhanahu wa ta'ala est savant de celui qui mérite la guidée, de celui qui mérite l'égarement. Donc ça, c'est un point essentiel. Ceci est un point essentiel que nous devons comprendre. Ceci est un point essentiel que nous devons comprendre. C'est que la foi, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. La foi, c'est le plus grand bienfait. La foi est ce avec quoi nous avons la vie réelle. La foi, c'est seul Allah subhanahu wa ta'ala peut l'accorder. Ainsi, cela nous appelle à une chose des plus importantes. Ad-du'a, l'importance de du'a dans l'iman. Il faut se diriger vers Allah. Il faut demander à Allah subhanahu wa ta'ala la foi parfaite, la foi complète. Il faut demander à Allah azza wa jal de nous préserver sur la foi. Il faut demander à Allah azza wa jal de préserver notre foi, d'augmenter notre foi, de nous éloigner de tout ce qui peut entacher notre foi. Passons au point suivant. Al-imanu yaqumu ala ususin azima. Al-imanu yaqumu ala usulin azima wa ususin matina. La qiyama lil-imani illa biha. La foi repose sur des bases immenses et des fondations solides. Elle ne peut s'élever, elle ne peut avoir lieu si ce n'est sur ces bases. وَمَثَلُ الْإِيمَانِ وَمَثَلُهَا لِلْإِيمَانِ كَمَثَلِ الْأَسَاسِ لِلْبُنْيَانِ وَالْأُصُولِ لِلْأَشْجَارِ. L'image des piliers de la foi par rapport à la foi est semblable à l'image des fondations pour une construction ou encore du tronc pour un arbre. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Ibrahim: Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fis sama'. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Ibrahim: n'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole, pareil à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel. Puis Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que cela donne des fruits à tout moment par la permission de son Seigneur. Ainsi Allah azza wa jal propose ses paraboles ou donne ses paraboles aux gens afin qu'ils se rappellent. Allah tabaraka wa ta'ala nous appelle à méditer cet exemple, l'arbre de la foi. Il faut des fondations, il faut des piliers, il faut des actions, il faut des fruits, il faut de l'acte, et on obtiendra les meilleurs fruits. Et voyez-vous, lorsqu'on coupe un arbre, ou lorsqu'on coupe le tronc d'arbre, qu'advient-il de ses branches? Qu'advient-il de ses fruits? Le tout meurt. Ben c'est pareil pour la foi devant les actions et les fruits de la foi. Si on perd la foi, iyadan billah, si on perd les piliers de la foi, les bases, les fondements de la foi, alors la foi est annulée. Et la personne devient donc du nombre des perdants, Allah nous dit dans le Coran, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dans Sourate Al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et celui qui mécroit, et celui, na'am, qui mécroit en la foi, et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Qu'Allah nous en préserve. Donc, les actions ne sont acceptées chez Allah subhanahu wa ta'ala que avec la foi. Les actions ne sont acceptées chez Allah subhanahu wa ta'ala que avec la foi. Sans action, Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte pas du serviteur les œuvres aussi grandes, aussi multiples et nombreuses soient-elles. On conditionne la foi pour que les actions soient acceptées, agréées par Allah Azza wa Jal, pour que le serviteur ait la récompense chez Allah Tabaraka wa Ta'ala. Méditez le verset de Sourate Al-Isra. قال الله سبحانه وتعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et selon la traduction des sens du verset, et ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent tout en étant croyants, voici une condition, tout en étant croyants, alors l'effort de cela sera reconnu. Il faut la foi. Il faut la foi pour que l'effort soit reconnu, pour que la personne soit rétribué, pour que l'effort soit reconnu et que la personne soit rétribuée. Tous ces points qu'on mentionne ici, tous ces points qu'on mentionne ici en introduction sont à connaître, sont à noter, sont à méditer, sont à propager. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son livre, et sur cela se base notre série de cours, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Et entraidez-vous dans le bien et la piété, et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Wa qad dallat al adillatu min al qur'an al karim wa sunnah al sahiha 'ala anna usul al iman على أن أصول الإيمان وأركانها ستة والركن لغة هو جانب الشيء الأقوى. Et après étude des textes, d'une manière exhaustive, les savants ont énoncé que les piliers de la foi et ses bases, ses fondements, étaient au nombre de six. Et lorsqu'on dit les six piliers de la foi, nous faisons référence à cela. Et lorsque nous disons les bases de la foi, nous faisons référence à cela. Et ar-rukn, dans la langue arabe, arkan ou l'iman, arkan c'est le pluriel du mot ruknun. Et ar-rukn, le pilier, huwa janib ash-shay al-aqwa, c'est la partie de la chose la plus solide, la plus dure. Les six piliers de la foi sont donc al-iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal iman bil qadari khayrihi wa sharrihi. Les six piliers de la foi sont donc la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et la foi au destin, qu'il soit favorable ou défavorable. Voici les six piliers de la foi. Croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et croire au destin bon et mauvais, c'est-à-dire qu'il nous soit favorable ou défavorable. Sachez, mes chers frères, que les bases de la foi, ces six piliers, l'ensemble des prophètes, l'ensemble des messagers les ont eus, les ont reconnus et ont invité leur peuple à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, Al-anbiya'u ikhwatun li'allat ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le rapporte Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, nous dit, les prophètes sont des frères ayant, sont comme des frères ayant le même père. Comme des frères ayant le même père. Leurs mères sont différentes, mais leur religion est la même. C'est-à-dire que leur croyance est unique, leur voix est la même, mais il se peut que dans la législation, il y ait des différences. Pour tel prophète, pour le peuple de tel prophète, ceci et cela était halal, et pour tel autre, c'était haram. Ainsi Allah nous dit, « لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا » dans Sourate Al-Ma'idah. Un autre point à savoir, dans cette introduction, sur les points relatifs à la foi, « وَصُولَ الْإِيمَانِ مُتَلَازِمَةٌ مُتَرَابِطَةٌ » Les fondements et les bases de la foi vont les uns vont avec les autres. On ne peut les dissocier. Ainsi, celui qui a foi en Allah se doit d'avoir foi aux anges, aux livres révélés, aux messagers et aux autres points de la foi. De la même façon, celui qui mécroit en un pilier de la foi aura mécru à l'ensemble. Ces piliers de la foi nous ont été mentionnés dans les textes, tantôt de manière générale et regroupée, et tantôt de manière séparée dans différents versets, dans différents ahadiths. Et les points de la foi, les piliers de la foi, en réalité, ont été mentionnés dans de nombreux textes. Et ont été détaillés dans de nombreux textes. Et il n'appartient qu'au. Il nous faut seulement étudier, il nous faut seulement méditer, il nous faut seulement apprendre. Et cela est simple et facile à la portée de tous, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour finir cette introduction, الإيمان لا يقبل الشك. Sachez que la foi n'accepte pas le doute. La foi n'accepte pas le doute. La foi, c'est la certitude. La foi, c'est la certitude. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, sur la traduction des sens de ce verset, de Sourate Al-Hujurat, les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, et qui par la suite ne doutent point. Donc il nous faut avoir la certitude. Passons maintenant à la mention de certaines preuves des piliers de la foi. À la mention de certaines preuves des six piliers de la foi. Et celui qui ouvre le mushaf et qui médite Sourate Al-Baqarah se rendra compte, s'apercevra que Sourate Al-Baqarah nous mentionne les piliers de la foi. Commence par les piliers de la foi et finit par les piliers de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim Alif Lam Mim Dhalika al-kitab la rayba fi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Au début de Surat al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne l'Iman. Il nous mentionne la foi. Alif Lam Mim, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Qui sont les pieux? Allah nous dit, ceux qui croient au Ghaib. Al-Ghaib, c'est tout ce qu'on ne voit pas, mais dont nous avons été informés à travers l'envoi des messagers. Ça fait partie de la foi. Alladhina yu'minuna bil-ghaib, ceux qui croient à l'invisible et accomplissent la salat et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui t'a été descendu, c'est-à-dire révélé, et à ce qui a été descendu avant toi et qui croient fermement à la vie future, ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur. Et ce sont eux qui réussissent. Dans ces cinq premiers versets de Surat al-Baqarah, il y a la mention de piliers de la foi. Il y a la mention de certains points de la foi, comme l'Iman ou Bil-Ghaib. La foi aux choses qu'on ne voit pas. Ça, c'est un des plus grands points de la foi. À un point tel que Abdullah ibn Saoud a juré par Allah. وَالَّذِي لَا إِلَهَا غَيْرُهُ. Il a juré par celui en dehors duquel il n'y a point de divinité réellement digne d'être adorée. مَا آمَنَا عَبْدٌ بِمِثْلِ إِيمَانٍ بِغَيْرٍ. Le serviteur n'a pas eu une foi semblable à la foi aux choses de l'invisible. Il n'y a pas une... Yani, en d'autres termes, un des points les plus importants dans la foi, c'est le fait d'avoir foi aux choses de l'invisible. Et lorsqu'on nous parle de la croyance en ce qui a été révélé, ça c'est la foi au livre. C'est un des piliers de la foi. Et lorsqu'on nous dit « وَبِلْ آخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ » et ils ont la certitude en l'au-delà, ça, c'est la foi au jour dernier. Prenons maintenant le verset 136 de Surat al-Baqarah. قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمِ jusqu'à sa parole « وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ » dit « Nous croyons en Allah ». Ça, c'est un ordre d'Allah. Dites « Nous croyons en Allah » et en ceux qu'on a révélés. Et en ceux qu'on a révélés ou fait descendre vers Ibrahim, jusqu'à dire, et à lui nous sommes soumis. Donc on voit ici que l'Iman, c'est une chose qu'Allah Azza wa Jalla a ordonnée. Tu dois croire en Allah et en tous ceux en quoi Allah t'a ordonné de croire. Prenez maintenant la fin de Surat al-Baqarah. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui et venant de son Seigneur. Et aussi les croyants, tous ont cru en Allah, ses anges, à ses livres et en ses messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre les messagers. Et ils ont dit, nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon. C'est à toi, ou bien c'est vers toi que qu'aura lieu le retour. Ici, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait mentionné au début de Surat al-Baqarah, les piliers de la foi. Après qu'il ait mentionné au milieu de Surat al-Baqarah, des piliers de la foi. Il finit ainsi Il finit ainsi la sourate avec cet avant-dernier verset en nous mentionnant que les croyants ont répondu à l'appel d'Allah, que les croyants ont concrétisé la foi, que les croyants se sont soumis à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont cru en tout ce en quoi Allah azza wa jal leur a demandé de croire. On nous mentionne ici les piliers de la foi et on finit en disant « Ilayka al-Masir, vers toi se fera le retour ». Et ça, c'est la foi au jour dernier. Ça, c'est la foi au jour dernier. Ainsi, le Baqara commence par les piliers de la foi. Elle finit par les piliers de la foi. Et au milieu, il y a les piliers de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a encouragé à réciter les deux derniers versets de Sourate al-Baqara, comprenant la foi chaque soir lorsqu'on se couche. Et il nous dit « Man qara bil ayatayn min akhir Sourate al-Baqara kafatah » Celui qui récite les deux derniers versets de Sourate al-Baqara lui seront suffisantes, c'est-à-dire une protection et d'autres paroles que les savants ont mentionnées. Ici, on nous encourage à lire les versets sur l'iman. On nous encourage à les méditer pour que ça augmente notre foi, pour que ça la renouvelle, la revivifie et l'ancre dans nos cœurs. Il y a aussi le verset Ayatul Birr. Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal-maghribi walakinna al-birra man amana billah. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Baqarah, le verset 177. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien, quelque amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les jougs, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Plus loin, on nous dit, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous joindre à ses serviteurs pieux. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous joindre à ses serviteurs pieux, ceux qui ont la foi ferme, ceux qui ont la certitude. Et une personne pourrait se demander pourquoi est-ce qu'el qadar, la prédestination, n'a pas été mentionnée ici. Les savants ont répondu en disant que la prédestination est comprise dans la foi en Allah. Parce que el qadar, qudratullah. Parce que el qadar, c'est l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qadar est l'omnipotence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit « Inna kulla shay'in khalaqonahu biqadar ». Donc voici les six piliers de la foi, le fait de croire en Allah, le fait de croire en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, au destin, qu'il nous soit favorable, ou bien qu'il soit défavorable. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. Voici les six piliers de la foi que nous allons, inshallah ta'ala, étudier demain, expliquer demain, en mentionnant chaque pilier, ce qu'il comprend, ce qu'il nous faut savoir, et également quels sont les fruits que tire le musulman dans sa vie d'ici-bas et dans sa vie de l'au-delà en ayant pour foi et pour conviction ماذا ces points-là. Wallahu a'lam wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Et je n'omets pas, bi'iznillahi azza wa jal, d'invoquer en faveur de la famille, en faveur du malade et en faveur de la famille de chaque malade, où qu'il se trouve, que ce soit dans ce pays ou dans un autre. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nasta'ith, aslih sha'nana kullah. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى